Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu comment ça s'est passé? Oui, quand j'étais là-bas, on m'a escorté. Jusqu'à maintenant, j'ai mal au dos, mal au ventre à cause de l'escorte là. On m'a escorté, on m'avait mis l'escorte. L'escorte. Oui, pour que j'arrive pas à bouger, à faire des mouvements, non. J'étais nombreux dans l'avion avec les polices. Ils vous ont attaché les bras et les jambes? Oui. Et ensuite, comment ça Oui. s'est passé? Ils vous ont porté dans l'avion ou vous marchiez? On m'a vu porter dans la vie avec les forces comme ça. J'ai pleuré. J'ai dit, excuse-moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait du mal. À cause des papiers, excuse-moi. Ils ont dit non, tu vas aller. Ils étaient nombreux. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Tu ne vas pas rester ici à Belgique. Tu vas aller, même si tu pleures, même si tu fais comme ça, tu vas aller. Ils n'avaient pas moyen de bouger. Donc, j'avais pas vraiment moyen de faire un effort pour sortir de l'avion. Moi, ici au Congo, j'ai pas la maison, j'ai pas là où je peux aller manger. Il y a des souffrances ici. J'ai pas volé, j'ai pas fraudé, j'ai pas tué, j'ai pas vendu des drogues. Mais il me dit non, tu n'es pas à Nantes, tu vas quitter la Belgique. Ça fait combien de temps que vous viviez en Belgique? J'ai fait 4 ans en Belgique. J'ai fait 4 ans avant, j'avais la carte orange. Maintenant, j'ai laissé mon recours en ordre, la demande de régularisation. On n'a pas encore répondu. J'ai laissé la je ne sais pas si ils vont faire quoi avec ça. Et vous, vous vouliez pas rentrer au Congo, hein? Je ne voulais pas rentrer au Congo, mais avec les forces là, comme j'étais seule, j'ai fait 4 mois, 13 jours au centre, ça avait fait 10. 4 mois, 13 jours. Oui. C'était dur. Oui, c'était dire, on ne mange pas bien, quand il n'y a pas de savon, c'est souffrant vraiment. Les gens qui ont resté là-bas, vraiment, ils souffrent. Chaque soir, il n'y a que le pain, chaque soir. Et dans l'avion, comment ça s'est passé? Les gens, ils n'ont pas bougé pour vous aider? Si, il y avait les gens disent, pourquoi vous faites comme ça? Laisse-la, laisse la fille. Elle ne veut pas rentrer, laisse-la. Elle ne veut pas rentrer, laisse-la. À cause d'elle, nous allons rater l'avion. Les deux policiers qui étaient avec moi, ils ont appelé les renforts parce que les passagers ont dit, si la fille si, rentre ici, nous allons descendre et puis vous allez seulement avec la fille. Ils ont appelé les policiers, ils sont venus nombreux, donc il n'y avait pas moyen que les gens puissent parler à cause de moi. Les gens voulaient vous aider quand Oui, même. à cause des policiers, il restait toujours dans sa place. Moi, j'ai pleuré jusqu'à ce que je me retourne au Congo. D'accord. Et ils ont été violents lors de l'expulsion? Ils vous ont été violents avec vous? Oui, on m'avait forcé à monter dans la vie avec la force. Ils veulent pas que les gens me voient, ils me cachent. Quand j'ai pleuré, j'étais nombreux. Ils se mettent devant moi pour que les gens ne me voient pas. Ils veulent pas que les gens me voient. Et maintenant, vous êtes à Kinshasa? Oui. Ils m'ont laissé à l'aéroport. Ils m'ont donné encore chez les policiers. J'étais au cachot encore. Ils m'ont frappé, ils m'ont fait des violences vraiment. C'est pas gentil. Je viens de sortir hier soir. Qu'est-ce que vous pensez des centres fermés? Il peut fermer ça. Si vous pouvez fermer ça, c'est pas bien. C'est pas gentil. Vous pouvez fermer les centres fermés, s'il vous plaît. Vous pouvez fermer, vous laisser les gens tranquilles. Moi, j'étais là-bas. Je vous dis, c'est pas bien, c'est pas bien. Les gens qui restaient là-bas, ils souffrent. Ok, écoutez, courage. Nous, on va essayer de, voilà, on va en parler. Maintenant, c'est difficile, hein. D'accord. Ça va? Oui, ça va, merci, voilà. Je vous souhaite beaucoup de courage. Oui, Bonne journée. merci. Merci à vous aussi. À bientôt.